Bienvenue sur le tout premier épisode du podcast Cap de Vivre, le podcast où on discute, où on échange, puisque, après tout, la science n'a jamais réussi à prouver qu'une discussion ne pouvait pas changer le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Christian Hague. Salut Christian. Salut Jennifer, tu vas bien? Ça va, merci. Et toi? Ça va, bon. Je te remercie d'être là et je suis ravie puisque c'est le tout premier épisode de ce nouveau podcast qui se lance et on se retrouve sur un terrain connu de nous deux par rapport à l'éducation spécialisée, donc je suis ravie puisque même moi je me sens en terrain un peu familier quoi. Je comprends, ouais. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, quel est ton parcours, qui tu es aujourd'hui? Bah oui, avec plaisir. Bah, écoute, je m'appelle Christian Hague. J'ai 39 ans, je suis éducateur spécialisé et moi je travaille dans la protection de l'enfance. Mmh. Je me trouve en Alsace et en fait je travaille dans un foyer d'accueil d'urgence. C'est là où atterrissent des enfants qui sont accueillis chez nous en urgence. Et moi je travaille sur un groupe d'enfants qui sont âgés entre 6 et 10 ans. D'accord. Donc placement d'urgence quand même prononcé par un juge? C'est ça, ou par le procureur en attente d'une audience. Ok. Exactement. Donc ça, c'est ton quotidien. Et moi, je t'ai découvert un petit peu par rapport au livre que tu écris. Là où je trouvais ton parcours fascinant, c'est que tu as été accueilli, toi et ton jeune enfant, en foyer, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Je trouve ça assez fou comme parcours, tu vois. Enfin, j'ai été aussi éducatrice spécialisée pendant des années et j'ai rarement vu un jeune que j'ai pu accompagner qui ait pu me dire « je veux faire éduc plus tard ». Je trouve ça fascinant. C'est vrai que c'est ce qu'on me dit souvent. Bah, je t'avoue que j'en suis plutôt fier. Hein. C'est vrai qu'au début de ma vie, toutes les planètes n'étaient pas alignées pour que ça se passe vraiment bien. Et j'ai su faire en sorte que si, finalement. Et ben, puis j'ai traversé le deuxième côté du miroir et effectivement maintenant, je suis éducateur. C'est vrai que c'est rigolo, puis je suis vraiment très très fier de ça. Il y a de quoi ? Tu m'étonnes. Est-ce que tu as envie de partager avec nous ce moment où tu te dis « je veux faire ça plus tard, je veux être éduque » Alors là, toi, tu es aussi en protection de l'enfance, ça aurait pu être avec n'importe quel autre public, mais... Ouais. Est-ce que tu as envie de nous résumer un petit peu ce qui se passe dans ta tête au moment où tu te dis « en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie ». Comment tu arrives à ce stade-là ? Ouais, en fait, c'est très simple. Au moment où, vers 14-15 ans, on commence à réfléchir sur ce qu'on aimerait faire plus tard, au moment où la question a commencé à m'effleurer, j'étais à ce moment-là placé en MEX. Ok. Et c'était un placement très douloureux pour moi, c'était très compliqué. Mais okay. J'étais entouré d'éducateurs qui se sont occupés de moi de manière absolument formidable. Ils ont été des professionnels magnifiques. Je leur en serai reconnaissant toute ma vie, je pense. Et il est arrivé un moment donné où il m'arrivait de les regarder travailler et de me dire « mais c'est magnifique ce qu'ils font, leur boulot est magnifique et je veux faire pareil ». C'est aussi simple que ça, en fait. Ok. Donc, alors on dit beaucoup, on se répare, machin. Peut-être, j'en sais rien, j'ai même pas envie d'essayer de savoir si c'est le cas ou pas. J'ai pas trop envie de fouiller à l'intérieur de mon moi. mais voilà, moi j'aime bien dire tout simplement que j'ai trouvé très vite que c'était un métier magnifique et j'ai voulu le faire à mon tour, quoi. Oui, et puis est-ce qu'on se répare pas quoi qu'on fasse, en fait, hein, dans tout ce qu'on fait dans notre vie, est-ce que c'est pas des tentatives de réparation Oui, ouais, de toute manière. Quel que soit le métier qu'on choisit, tant que ça reste sain et qu'on essaye de garder une posture professionnelle, je pense que c'est OK. C'est ça, on est d'accord. Ouais. Alors, on est tous les deux dans la même branche, donc forcément, on parle un petit peu ce même langage. Alors, surtout dans le secteur social, on adore mettre tout un tas d'acronymes et tout un tas de mots qui veulent dire plein de choses. Mais j'ai très envie de te poser la question de savoir comment tu décrirais ton métier aujourd'hui à quelqu'un qui ne sait pas du tout de quoi on parle ? C'est une magnifique question. Ça, c'est une question qu'on ne me pose jamais. Tant mieux. C'est vrai, ouais. Bah alors, comme tu dis, en général, quand on répond à cette question, il y a toujours un peu des mots-clés, souvent les mêmes, qui sortent. Accompagnement, autonomie, socialisation, etc. Bon, ce qui est tout à fait le cas. Mm-hmm. Mais je pense qu'on ne souligne pas assez aussi que... Bah, on est aussi dans le soin. Oui. On est aussi dans... je vais même, attention, dire un gros mot, mais... on donne aussi de l'amour aux gens qu'on accompagne. En tout cas, moi, je suis persuadé de ça. C'est clair. Ben oui. Et quand je parle d'amour, je parle évidemment de l'amour qu'un humain porte à un autre. Et ça s'arrête là. Bien sûr. Et puis voilà, ouais, dans le, enfin, on peut trouver plein de choses. Ouais, le soin, l'amour, du soutien. La notion du quotidien. On se rend pas forcément compte quand on n'est pas dedans, mais à quel point on voit ces mêmes personnes qu'on accompagne. Donc, je parle bien tout public, hein, parce que beaucoup de publics peuvent être accompagnés par des éducateurs spécialisés. Oui. Mais vraiment cette notion qu'on se revoit chaque matin, et quoi, moi je trouve ça assez fascinant. On a des actes du quotidien alors qu'on n'est pas une famille. Et il faut bien en faire quelque chose de tout ça. C'est ça. Et je trouve que quand on arrive à le vivre ensemble, c'est assez génial, oui. Oui, t'as raison. C'est vrai que le quotidien, nous, en tout cas, dans les institutions, c'est la première matière avec laquelle on travaille. Mm-hmm. C'est notre premier support, effectivement, c'est le quotidien. Et c'est rigolo parce que souvent, les gens qui ne sont pas du secteur et qui connaissent mal le métier, alors, ils peuvent dire, même de manière bienveillante, hein, mais ils peuvent dire, mais c'est marrant, en fait, mais tu fais quoi? Tu manges avec eux? Tu les envoies à la douche, mais c'est ça ton travail. Effectivement, les gens ne comprennent pas, et puis je comprends tout à fait. Oui. Je ne sais plus quel philosophe ou sociologue avait parlé de nos métiers en disant que nos pratiques étaient invisibles. Oui. Parce qu'effectivement, ce qu'on met dans chaque intention, dans chaque acte, dans chaque initiative, tout est éducatif dans ce qu'on fait. Mmh. Et effectivement, c'est un travail, mais qui n'est pas perceptible à un œil qui n'y est pas formé, je pense. Oui. Et effectivement, donc, quotidien, ouais, c'est notre premier support de travail. Ouais. Tout à fait. C'est même un petit peu un gag qui revient souvent de se dire bah, les éducateurs, ils sont bons à boire du café et fumer des cigarettes. Ouais. Et effectivement, avec certains publics, notre métier passe par le fait de réussir à boire un café et fumer une cigarette avec la personne. Exactement. Je trouve ça, c'est assez magique. Et la sensation aussi, des fois, qu'on cherche à tout prix comment créer du lien avec une des personnes. Ouais. Et qu'en fait, on se creuse la tête et que les choses se font d'un naturel, justement, avec un simple café, mais parce que c'est le bon moment, c'est le bon endroit, c'est le bon mood, et là, ça fonctionne. Alors qu'avant ça, on aura essayé 40 choses qui auront échoué, mais ce jour-là, et on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a un petit peu cette dose de magie qui fait que là, ça marche. Et bien, ce jour-là, ça aboutit à quelque chose, quoi. Exactement. Là, je te rejoins à 10 milliards de pourcents. Et tu as lancé un mot qui est central dans notre, en tout cas dans nos pratiques éducatives, c'est la question du lien. Oui. Je pense que c'est une notion qui devrait être encore plus promue dans nos métiers, mais aussi dans les formations des éducateurs, que j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas encore cet enjeu-là du lien. Et pourtant, il est, pour moi, c'est presque une pierre angulaire de tout, au final. Parce que l'autorité ne fonctionne pas sans lien, on n'instaure pas un cadre éducatif qui fonctionne réellement sans qu'il y ait du lien. Enfin, je trouve que On ne rassure pas s'il n'y a pas de lien, enfin, c'est ça. Bien entendu, c'est clair. Et surtout, quel que soit le public, je veux dire, si on est là, c'est qu'à la base, c'est des personnes qui ont besoin de quelque chose, peu importe quoi. C'est ça. Que ce soit par rapport à peut-être à une déficience, que ce soit pour une rupture sociale, peu importe. Ouais. Mais en tout cas, il y a un besoin, et donc forcément, s'il y a un besoin, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été mal vécu, c'est qu'il y a eu forcément un trauma d'une forme ou d'une autre, et que la seule façon de rassurer, c'est d'être en lien. Sinon, on est des robots qui faisons acte de présence. C'est ça. Et puis sinon, il n'y a pas grand-chose qui marche de toute manière. C'est clair. Tu sais, je vais te donner un exemple, si je peux. Mm-hmm. Je peux ? Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je suis maître d'apprentissage. Donc, j'ai deux apprentis que j'accompagne, deux apprentis éduques. J'en ai une qui travaille avec des ados. Mm-hmm. Et la dernière fois, lors de notre entretien, elle soulevait justement cette question de l'autorité. Bon, alors, l'autorité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une vaste question. Hein. Oui. Mais en tout cas, elle me disait comment je peux arriver à poser des règles, à me faire entendre, à me faire respecter et tout. Et je lui disais, mais tu sais, tu crées d'abord du lien avec eux. Pour moi, c'est la première étape. Tu ne peux pas arriver comme ça et en disant, oh, attention, avec moi, ça ne va pas rigoler parce que vous ne savez pas qui je suis. Ça ne fonctionne pas. Crée le lien d'abord avec eux. Bien sûr que non, ça ne fonctionne pas. Et j'aurais même été plus loin dans ma réponse de dire, mais arrête de te prendre la tête, l'autorité n'existe pas. C'est un rêve, ça. C'est un rêve de pouvoir, l'autorité. Ça n'existe pas. Oui, je comprends. C'est un mot qui est... Les plus gentils diront que ça peut prêter vraiment à débattre et qu'on peut y voir plein de significations très différentes. Et d'autres, effectivement, diront l'autorité, ouais, bon, c'est quoi l'autorité mais je comprends, enfin, le mot me paraît énorme, mais je comprends aussi le fait de se dire, bah voilà, je débute et j'ai besoin de tenir une activité ou de réussir à avoir un peu de calme quand ça s'agite partout et qu'on sent que la pression monte et qu'il faut intervenir. C'est ça, ouais, ouais. C'est des questions légitimes, surtout chez des jeunes professionnels qui débutent et qui ont besoin d'être rassurés là-dessus. Mais par exemple, ils sortent de l'école où ils y sont encore, en tout cas, c'est le cas pour mes apprentis. Et je sais qu'on les sensibilise, on ne les forme pas suffisamment sur ces questions-là, sur les questions du lien éducatif. Alors, en même temps, c'est une notion tellement vaste, oui. On est dans les sciences molles, là. Donc, ouais, qu'est-ce que tu veux leur apprendre à l'école ? C'est vrai que c'est aussi très compliqué. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que de l'extérieur, notre métier est étrange, ouais. Parce qu'il est presque pas palpable. Ouais. Tu vois, tout est très abstrait. Enfin, ces notions-là, c'est que de l'abstrait. Et concrètement, on a du mal à imaginer, mais qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. 5 jours par semaine en foyer quand on travaille là-bas. Ouais. Alors qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tellement. Et ben en tout cas, bravo à toi, parce que oui, effectivement, c'est un parcours super atypique. Bah, merci, Jim. Et je trouve que ça te donne une force incroyable, parce que, du moins, moi, c'est un questionnement que j'ai eu pendant des années. J'ai travaillé en maison d'enfants à caractère social et où je me disais, mais malgré tout ce que j'essaye de mettre en place là, comment est-ce que eux le reçoivent ? Et je pense que toi, tu as cette clé pour l'avoir vécu, de l'avoir vu un peu de l'autre côté. Je pense que c'est un sacré outil aujourd'hui que de savoir te décaler de ta place d'éducateur pour imaginer, puisqu'on est tous différents, mais imaginer ce que ça peut provoquer chez les jeunes que tu accompagnes. Oui, tout à fait. Je m'en sers complètement et je ne m'en cache de personne, ni des adultes, ni des enfants, qui en général connaissent mon parcours. Et puis bon, il y a mes livres et tout, donc mon nom peut parfois un peu résonner chez certaines personnes. Mmh. Et c'est absolument pas un problème pour moi. Et en même temps, je brandis pas là mon espèce de petit drapeau d'ancien enfant placé. Mmh. Mais c'est vrai qu'on me dit souvent « Ah, Christian, toi, tu comprends mieux les jeunes, parce que tu sais par quoi t'es passé. » Et alors moi, j'aime bien toujours dire « Je comprends pas mieux. Qui serais-je pour dire ça ?» Mmh. Mais en tout cas, effectivement, je pense pouvoir les comprendre, en tout cas autrement. Oui. Ça, c'est sûr. Et effectivement, moi, je sais que dans mes pratiques au quotidien, ça m'aide moi et je crois que ça aide aussi, effectivement, dans le tissage de la relation. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu as conscience, Christian, que tu es la définition de la résilience ? Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Et si ce n'est pas le cas, oui. Je te laisse profiter de ce compliment à fond. Bah écoute, c'est très gentil, mais oui, j'en ai conscience. Mon premier bouquin, quand mon éditeur m'a demandé quand il m'a dit « qu'est-ce qu'on met sur la couverture de ton livre ?», j'avais pas trop d'idées. Et je lui ai dit « tiens, bah, et si tu mettais Moïse abandonné sur les eaux par sa mère ?» Il me disait « ok, bah alors c'est quoi le but ?» Bah, je lui disais « non seulement j'ai vécu l'abandon, mais je trouve que... En termes de résilience, il n'y a pas de meilleur exemple que Moïse abandonné, qui devient ensuite le guide du peuple juif. Je trouve qu'en termes de résilience, c'est un symbole magnifique. C'est clair. Tu m'offres une magnifique transition justement vers tes livres. Donc j'ai pu trouver que tu en avais écrit 2, je crois. J'ai cru comprendre qu'un troisième était en préparation, c'est ça ? Oui, il est fini là. Ah. Il est terminé, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler des 2 existants et est-ce que tu as un petit mot à dire sur le troisième sans spoiler, ce qui n'est pas encore public mais... Oui, alors les 2 premiers... Alors, bon, j'ai écrit mon tout premier livre en 2019. Il est titré « Le murmure des démons ». C'est un livre dans lequel je me penche vraiment sur mon parcours. Mm-hmm. Pas nécessairement, ou en tout cas pas beaucoup, sur mon parcours en foyer et au sein de l'ASE. Mais plutôt, je me suis vraiment concentré sur les troubles liés à l'abandon que j'ai vécu, ce qu'on appelle les troubles abandonniques. Okay. J'ai vraiment parlé de ça très spécifiquement, c'est-à-dire comment ces troubles se sont manifestés sur tous les pans de ma vie, dans les relations notamment avec les autres, okay. Sur l'estime que j'avais de moi-même, etc. Donc, dans le premier livre, je parle vraiment de tout ça. D'accord. Dans le deuxième, j'ai voulu faire des ponts entre ce que là, pour le coup, j'ai vécu et ressenti et connu en vivant en foyer, et sur ce que je vis, sur ce que je vois et ce que je ressens aujourd'hui, mais en tant qu'éducateur en foyer. D'accord. Et il m'avait semblé intéressant de faire des ponts entre l'un et l'autre, faire des allers-retours un petit peu, en m'exprimant notamment sur des questions qui me sont chères, moi, dans mon travail, et qui peuvent prêter à débattre dans nos métiers. Par exemple, sur la question de l'affection chez l'éducateur, justement de l'autorité, j'en parle un petit peu de ça aussi. Okay. Des multiples pressions qu'on peut mettre parfois sur les enfants sans que ça n'en vaille toujours la peine, de la manière dont on les aide à devenir sujets de leur parcours, ce qu'on ne fait pas tout le temps. Oui. Un petit peu la balance entre les raisons pour lesquelles on fait le métier que tu fais et peut-être la réalité aussi de ce qui est envisageable en fonction du temps et des outils qu'on a, je pense. Ça doit ressortir, j'imagine. Oui, complètement. Et puis aussi, je parle aussi beaucoup de... Parce que ça, c'est un sujet, je trouve, qu'on ne parle jamais. Et je ne comprends pas pourquoi. Je trouve qu'on ne parle jamais, mais alors nulle part, à quoi on est confronté, sinon d'abord à la gestion de groupe, de groupe d'enfants. Oui. Et la gestion de groupe d'enfants, c'est une vraie méthode, c'est difficile, c'est pas donné à tout le monde. Et je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop cette part de notre travail. C'est vrai. Parce qu'elle est souvent prépondérante de plein de choses. Et la première, il s'agit de sécuriser nos gamins sur tous les versants, hein, physiques mais aussi psychiques. Oui. Et c'est pas tous les jours facile quand on se retrouve à gérer en premier un groupe d'enfants plutôt que les enfants eux-mêmes individuellement. Oui, totalement. Moi, ça, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas du tout assez parlé dans nos pratiques. Je me suis aussi penché sur ça dans ce deuxième livre, quoi. Ok, super intéressant. Deuxième livre, donc, qui s'appelle « Dans les sillons du quotidien », c'est ça ? C'est ça. Le deuxième livre dont je suis très fier, parce que le dessinateur Pavo, je ne sais pas si tu connais. Ah oui, bien sûr. Ben voilà, Pavo m'a gracieusement offert des dessins que j'ai pu mettre dans le livre. Donc voilà, je suis très fier de ça. Oui, ouais, tu m'étonnes. Très fier de ça. À l'issue de ces deux bouquins, je suis plutôt très, très heureux parce qu'ils marchent beaucoup. D'accord. Ils m'ont offert une visibilité qui ont pu aujourd'hui non seulement me valoriser et puis dorer un petit peu mon égo, hein, il faut le dire la vérité. Mais oui, bien sûr. Enfin, voilà, qui ne le dit pas mentirait, je pense. Tout à fait. Mais surtout, ça m'a permis de porter les messages que j'ai toujours eu envie de porter à plus grande échelle. J'ai pu être invité à témoigner à l'Assemblée nationale lors de la commission d'enquête sur les défaillances de l'ASE. Maintenant, je suis très souvent invité dans des centres de formation pour venir témoigner, etc. Ok. Et alors, juste au-delà du simple fait que ça me fasse plaisir, je suis vraiment content parce que j'ai l'impression que ce que je dis n'est pas trop stupide et que ça résonne chez beaucoup de gens. Et je suis content de ça, quoi. Oui. Oui, et puis une sensation de porter une réelle parole du terrain. C'est ça. Ce qui est rarement le cas, on va l'admettre. C'est vrai. Et puis le troisième livre, alors là aussi je suis très content, mais je pense que c'est mon petit bébé, je pense que c'est mon chouchou, ce troisième livre-là. Ah, ouais. Ok. Parce que je ne parle pas de moi, donc déjà, ça fait du bien. Je ne parle pas de moi dans ce bouquin. Ce livre-là, il parle vraiment des violences éducatives ordinaires. Ok. Alors c'est un terme que tout le monde ne connaît pas, ça fait un peu barbare, les VEO du coup. Mais ça s'applique pas seulement dans nos métiers d'éduc, mais aussi à la maison avec les parents. C'est comment volontairement ou même involontairement, comment tu peux te livrer parfois à des violences, même petites, même minimes, en tout cas d'apparence. Quand tu éduques tes enfants, ça peut être plein de choses. Ça peut être un mot un peu fort qui peut même s'apparenter à une insulte. Ça peut être des paroles humiliantes, des gestes un peu brusques. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut laisser des traces. C'est ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. On dit ordinaires parce que elles sont, dans l'inconscient collectif, plutôt très acceptées. Et en général, elles ne font pas bondir beaucoup de monde parce que on y est très habitué. Ça fait partie depuis des siècles de la manière dont on éduque les enfants. C'est une tape sur la main, et ça ne choque pas grand monde parce qu'on se dit... l'enfant, il n'est pas mort, tu comprends, etc. Oui, c'est une normalité culturelle c'est qui ça. Peut être en soi dévastatrice, mais puisque c'est la normalité culturelle, c'est OK, quoi. Exactement. Et du coup, moi, ça fait des années que je vois ça dans mon boulot d'éducateur spécialisé. Mmh. Ça fait des années que ça me révulse, parce que bon, non seulement les VEO, moi je trouve que c'est un vrai problème en soi, mais peut-être même encore plus dans les milieux où on travaille, parce qu'on accompagne des enfants qui sont très fragilisés, oui. qui sont parfois même traumatisés, qui vont très mal. Mmh. Et pour moi, ce n'est jamais acceptable qu'on leur parle mal, qu'on les brutalise, etc., même sans le vouloir. Mmh. Mmh. Bien sûr. Du coup, je me suis inspiré de beaucoup de situations que j'ai vues, dont j'ai été témoin. J'ai écrit là-dessus, donc j'en ai fait une fiction. Okay. Donc j'ai fait parler un enfant. C'est un enfant placé en foyer qui parle et qui donne ses ressentis. Mais il y a une vraie histoire, donc je ne livre pas, je ne veux pas spoiler. Il y a une vraie histoire avec un joli rebondissement à la fin. Okay. Et puis là aussi, je suis très fier parce qu'il y a une directrice d'une maison d'enfants à caractère social qui va préfacer mon livre parce que le livre lui a plu. Donc je suis content parce que ça me donne l'impression de gagner aussi un peu en légitimité, quoi. Je trouve que c'est agréable. Oui. Mais voilà, je pense que c'est mon préféré, ce troisième livre. Ok. Et est-ce que tu as déjà un titre pour ce troisième livre ? Oui. Est-ce qu'il est secret ? Non. Ah oui, à fleur de cadre. À fleur de... Oh, j'aime. À fleur de cadre, génial. Ouais, t'aimes bien, à fleur de cadre. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ouais, le côté à fleur de peau, puis il y a l'idée du cadre. Qu'est-ce qu'on met autour du cadre ? C'est quoi le cadre ? Comment on l'incarne ? Comment... À quoi ça ressemble un cadre, déjà, de base ? Parce exactement. C'est un cadre de tableau, un cadre de vélo. Oui. J'aime bien. Ah ben, merci. Je ne peux que conseiller à nos auditeurs, si le sujet les intéresse, de foncer lire ces livres. Ne vous privez pas, lisez les trois. Je pense que le troisième sera aussi bon que les deux précédents, même si c'est des sujets différents. C'est gentil, Jennifer. Mais je t'en prie. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton toi de quand il avait 15 ans ? Ton toi de 15 ans ? En tout cas, je sais ce que je lui dirais pas. Ok. Je lui dirais pas, Christian, allez, vas-y, courage, tu vas y arriver plus tard, nana. On aime bien dire ça. Moi, je lui dirais pas ça parce que le Christian qui avait 15 ans, il aurait pas entendu ce genre de phrase, un peu bateau et qui veut pas dire grand-chose. Donc, ce Christian-là, il aurait pas aimé. Je pense que ce que je lui aurais dit, c'est « Écoute, Christian, tu es en grande souffrance, souffre, prends le temps de souffrir, tu as raison, de toute façon, c'est là, fais-toi bercer ces souffrances-là, c'est bien, tu vois des psychologues, tu te fais aider, laisse-toi aider, et surtout, prends le temps de souffrir maintenant, tu peux encore te permettre d'en avoir le temps. À 15 ans, on est encore jeune, on se construit encore. » Vas-y, souffre, souffre, et tu verras, au bout d'un moment, ça ira un petit peu mieux, mais... Ok, avec quand même un beau message d'espoir, comme quoi... Oui, oui. Comme quoi des choses sont possibles. Oui, complètement. Le dernier film, livre, ou la dernière musique, ou tout autre support, en fait, que tu as découvert et que tu as envie de partager ? Oh, ok. Série, peu importe, en fait. Alors moi, le dernier film que j'ai vu, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Requiem for a Dream. Oui. Alors, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et il m'a toujours aussi saisi. C'est un film que je conseille vraiment à tout le monde de regarder. Alors, il est difficile, hein. Je pense qu'il n'est pas fait pour tous les publics. Oui. Il faut savoir qu'il est un peu dur à regarder, mais c'est un film qui est tellement puissant et que je trouve magnifique, mais sur tous les plans. Oui. Tant en termes esthétiques, mais aussi le jeu des acteurs. Je pense notamment à l'actrice principale, Ellen Burstyn, oui. qui est saisissante dans ce film. Et alors, c'est un film qui parle des excès, des dangers de la drogue, des dangers mortels de la drogue, des addictions, etc. Il y a aussi Jared Leto qui joue dedans. Mmh. Et c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est un film sublimissime. Et sinon, mon film préféré de tous les temps, moi, c'est Into the Wild. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Voilà, c'est un film. Il est magnifique. Un film de Sean Penn qui est sublime, qui est une histoire vraie hein, à la base. Oui, oui, oui. On suit un jeune homme qui s'appelle Christopher McCandless. Il y a un livre aussi hein, qu'on peut lire. Mm-hmm. Et puis, il décide de laisser derrière lui la société capitaliste, consumériste, qui le fatigue. Il ne s'y retrouve plus. Oui, alors qu'il est quand même en plus dans une situation assez aisée, je crois, hein, à la ouais, base. Oui, tout à fait. Une famille aisée. Et il vient d'avoir son diplôme, son père lui offre une grosse voiture pour le récompenser et tout. Et il pète un câble et il se dit « Allez, c'est bon, je comprends rien à ce monde, rien n'a de sens pour moi. » je vais partir à l'autre bout des États-Unis et son but, c'est d'aller en Alaska à pied, en traversant des paysages somptueux, c'est magnifiquement filmé. Enfin, le film est grandiose. Oui. C'est un film à voir absolument. Oui. Je suis d'accord, je regarde très peu de films, mais les deux que tu cites, je les ai vus. Alors autant Requiem for a Dream, c'est très vieux, je l'ai vu il y a très longtemps. Okay. Mais malgré tout, j'en ai un souvenir assez présent. Alors je serais pas capable de refaire l'histoire, mais j'ai des images qui reviennent, si tu veux. Donc comme quoi, il a fait trace. Ouais. Et Into the Wild, alors plus récent, mais je l'ai encore très très bien en tête. Ouais. Ouais. Il m'avait beaucoup bousculé. Magnifique film. Et puis la grande morale du film, sans spoiler, mais bon, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais c'est « Quoi que vous viviez comme bonheur, ne le vivez pas seul, vivez-le à plusieurs et partagez ça, parce que sinon, un bonheur, c'est difficile à vivre seul. » Et je trouve qu'à bien des égards, c'est plutôt vrai. En tout cas, moi, je me retrouve là-dedans. Je suis assez d'accord. Et en termes de livres, écoute, alors moi, je lis énormément. J'ai des millions de livres chez moi. S'il y en avait un, je dirais que... Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch. Non. Alors, je t'invite à lire ses bouquins qui sont incroyables. Alors, je parle toujours avec beaucoup de superlatifs, mais c'est un philosophe qui a fait beaucoup, beaucoup de bouquins sur plein de sujets, notamment aussi sur la Shoah, etc., sur le pardon, sur la nature, etc. Et mon préféré, moi, il s'appelle « L'aventure, l'ennui et le sérieux ». C'est très, très philosophique. Et dans ce bouquin, Jankélévitch, il explique qu'est-ce que la vie humaine, qu'est-ce qu'on y met dedans, qu'est-ce qu'on y trouve, l'ennui, est-ce qu'on s'ennuie en tant qu'humain, comment on ne s'ennuie pas, donc quand on part à l'aventure, c'est quoi l'aventure, comment on se distrait, comment on donne du sens à notre vie, enfin, et c'est passionnant. Oui, ça me revient, il avait beaucoup écrit sur le pardon. Oui, exactement. Il y a toute une suite aussi, le titre est rigolo, je crois que c'est le je ne sais quoi. Parce que justement, c'est pas nommable ce dont il parle. Oui. Bah, je suppose qu'il parle de la Shoah, ouais. Parce que par exemple, son livre sur le pardon, c'est en écho à la Shoah, quoi. Ouais. Eh bien, merci pour ces conseils. C'est bien noté. Avec plaisir. Si tu étais à un moment de détente, qu'est-ce que tu serais ? C'est une très bonne question. Je pense que je serais une chose très simple, une promenade en forêt ou en montagne. Ouais, plutôt en montagne, parce que je suis allé en montagne cet été, et la vasteté des paysages, c'est tellement... Oh là, ouais, la montagne. La sensation de se sentir tout petit au sommet. Ouais. De se rappeler qu'on est tout petit, en fait. Ouais, la montagne. Enfin, c'est tellement poétique, la montagne, c'est tellement... Enfin, il y a quelque chose comme ça qui te transcende, qui te remet à ta place, je trouve. Moi, c'est vraiment la sensation. J'ai la chance de vivre dans une région où c'est très accessible. Et à chaque randonnée, c'est ça. C'est de se dire, ah oui, c'est vrai que je suis infiniment petite, en fait, sur cette terre. Et ça fait du bien, parfois. Exactement, c'est vrai. La toute dernière question, donc, pour terminer cet échange, c'est le mot de la fin. Un mot qui te passe par la tête, là, maintenant. Waouh. Ouais, elle est rude, celle-là. Waouh, ok. Tu as le droit de prendre le temps. Après, c'est très drôle de sortir le premier mot qui peut te passer par la tête. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'était cuillère à soupe, tu vois. Ah ouais. Ouais, ok, sans... sans aucun sens. Ouais, ok. Bah écoute, je te dirais radiateur. Ok, radiateur. Il commence à faire frais, t'as raison. Bah oui, c'est un peu d'actualité, hein. Là, je suis en train de lutter pour ne pas les allumer. Que je me dis, c'est pas possible, on est en septembre, je vais pas mettre le chauffage déjà. Ouais. Mais c'est une lutte. Mais il fait frais, oui, hein. C'est une lutte, là, de tous les jours. Un grand merci à toi, Christian, d'avoir accepté de te prêter à cette petite discussion. C'est super intéressant. Ben, merci beaucoup à toi, Jennifer. J'ai adoré ce moment. C'était génial. Trop bien. Et pour tous les auditeurs, bien sûr, en dessous de la vidéo, en dessous du podcast, vous retrouverez tous les liens pour retrouver les livres de Christian Haag. Et un grand merci à tous pour votre écoute sur ce premier épisode de Cap de Vivre. À bientôt !